La cité de Dieu de Saint Augustin, livre 15e, Avant le déluge. Édition Charpentier 1855, tome 3e. Traduction par Monsieur Émile, Edmond, Cesset. Chapitre 8. Quelle raison porta Caïn à bâtir une ville dès le commencement du monde? J'aime mieux maintenant défendre la vérité de l'Écriture contre ceux qui prétendent qu'il n'est pas croyable qu'un seul homme ait bâti une ville, parce qu'il semble qu'il n'y avait encore alors que 4 hommes sur la terre, ou même 3 depuis le meurtre d'Abel, savoir, Adam, Caïn et son fils Enoch, qui donna son nom à cette ville. Ceux qui raisonnent de la sorte ne considèrent pas que l'auteur de l'histoire sainte n'était pas obligé de mentionner tous les hommes qui pouvaient exister alors, mais seulement ceux qui servaient à son sujet. Le dessein de l'écrivain, qui servait en cela d'organe au Saint-Esprit, était de descendre jusqu'à Abraham par la suite de certaines générations, et devenir des enfants d'Abraham au peuple de Dieu, qui, séparés de tous les autres peuples de la terre, devaient annoncer en figure tout ce qui regardait la cité dont le règne sera éternel, et Jésus-Christ son roi et son fondateur, sans néanmoins oublier l'autre société d'hommes que nous appelons la cité de la terre, et d'en dire autant qu'il fallait pour rehausser par cette opposition l'éclat de la cité de Dieu. En effet, lorsque l'Écriture sainte rapporte le nombre des années de la vie de ces premiers hommes, et conclut toujours ainsi de chacun d'eux, « Et il engendra des fils et des filles, et un tel vécut tant de temps, et puis il mourut. » Genèse 5, 4, 5. Note. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Genèse 5, 4. Louis II. Dira-t-on, sous prétexte qu'elle ne nomme pas ses fils et ses filles, que, pendant un si grand nombre d'années qu'on vivait alors, il n'ait pu naître assez d'hommes pour bâtir même plusieurs villes? Mais il était de l'ordre de la providence de Dieu, par l'inspiration duquel ces choses ont été écrites, de distinguer d'abord ces deux sociétés, d'une part les générations des hommes, c'est-à-dire de ceux qui vivaient selon l'homme, et de l'autre, les générations des enfants de Dieu, en allant jusqu'au déluge où tous les hommes furent noyés, excepté Noé et sa femme, avec leurs 3 fils et leurs 3 brus, 8 personnes qui méritèrent seules d'échapper dans l'arche à cette ruine universelle. Lors donc qu'il est écrit, Caïn connut sa femme, et elle enfanta Enoch, et il bâtit une ville du nom de son fils Enoch, il ne s'ensuit pas qu'Enoch ait été son premier fils. L'Écriture dit la même chose d'Adam, lorsqu'il engendra Seth, Adam, dit-elle, connut sa femme, et elle conçut et enfanta un fils qu'elle nomma Seth. Genèse 4, 17, 25. Et cependant, Adam avait déjà engendré Caïn et Abel. Il ne s'ensuit pas non plus, de ce qu'Enoch donne son nom à la ville bâtie par Caïn, qu'il ait été son premier-né. Il se pouvait qu'il l'aimât plus que ses autres enfants. En effet, Judas, qui donna son nom à la Judée et aux Juifs, n'était pas l'aîné des enfants de Jacob. Mais quand Enoch serait le fils aîné de Caïn, il n'en faudrait pas conclure qu'il ait donné son nom à cette ville dès qu'il fut né, car un seul homme ne pouvait pas faire une ville, qui n'est autre chose qu'une multitude d'hommes unis ensemble par quelques liens de société. Il faut croire plutôt que, la famille de Caïn s'étant si fort accrue qu'elle formait un peuple, il bâtit une ville et l'appela du nom de son aîné. Dans le fait, la vie de ces premiers hommes était si longue, que celui qui a le moins vécu avant le déluge, selon le témoignage de l'Écriture, a vécu 753 ans. Ce personnage est Lamech, du moins selon la version des Septante, car la Vulgate porte 777 ans. Plusieurs même ont passé 900 ans, quoiqu'aucun n'ait été jusqu'à 1000. Qui peut donc douter que, pendant la vie d'un seul homme, le genre humain n'ait pu tellement se multiplier qu'il ait été suffisant pour peupler plusieurs villes. Cela se peut facilement conjecturer, puisque le peuple hébreu, sorti du seul Abraham, s'accrut de telle façon, en l'espace d'un peu plus de 400 ans, qu'à la sortie d'Égypte l'Écriture compte jusqu'à 600 000 hommes capables de porter les armes, Exode 12, 37, pour ne rien dire des Iduméens qui sortirent d'Ésaü, petit-fils d'Abraham, ni de plusieurs autres nations issues du même Abraham, mais non pas par sa femme Sarah. Saint Augustin veut parler des Ismaélites, issus d'Ismaël, fils d'Abraham et d'Agar. Chapitre 9. Les hommes vivaient plus longtemps et étaient plus grands avant le déluge que depuis. Il n'est donc point d'esprit judicieux qui doute que qu'un n'ait pu bâtir une ville, même fort grande, dans un temps où la vie des hommes était si longue, à moins qu'on ne veuille encore discuter là-dessus et prétendre qu'il n'est pas vrai qu'ils aient vécu aussi longtemps que l'Écriture le rapporte. Une chose encore que les incrédules se refusent à croire, c'est que les hommes fussent alors beaucoup plus grands qu'ils ne sont aujourd'hui. Cependant le plus célèbre de leurs poètes, Virgile, à propos d'une grosse pierre qui servait de borne à un champ et qu'un homme très robuste des temps anciens leva dans le combat et lança en courant contre son ennemi, s'exprime ainsi. À peine 12 hommes de nos jours, choisis parmi les plus forts, l'aurait-il pu porter ? Par où il veut montrer que la terre produisait alors des hommes bien plus grands qu'à présent. Combien donc l'était-il encore davantage dans les premiers âges du monde avant le déluge? Mais les sépulcres, découverts par la suite des années ou par des débordements de fleuves et autres accidents, où l'on a trouvé des ossements d'une grandeur incroyable, doivent convaincre les plus opiniâtres. J'ai vu moi-même, sur le rivage du Tigre, et plusieurs l'ont vu avec moi, une dent mâchelière d'homme, si grosse qu'on en eût pu faire sans des nôtres. Elle avait appartenu, je crois, à quelques géants. Car si les hommes d'alors étaient généralement plus grands que nous, ils l'étaient moins que les géants. Aussi bien, dans tous les temps et même aux nôtres, des phénomènes de ce genre n'ont pas cessé de se produire. Pline, ce savant homme, assure, en son Histoire naturelle, au livre 7, chapitre 16, que plus le temps avance dans sa marche, plus les corps diminuent, et il ajoute que c'est une chose dont Homère se plaint souvent. Mais, comme j'ai déjà dit, les os que l'on découvre quelquefois dans de vieux monuments peuvent justifier la grandeur des corps des premiers hommes, tandis que l'on ne saurait prouver de même la durée de leur vie, parce que personne ne vit plus aussi longtemps. Cependant cela ne doit pas empêcher d'ajouter foi à l'Histoire sainte, puisqu'il y aurait d'autant plus d'imprudence à ne pas croire ce qu'elle nous raconte du passé, que nous voyons de nos yeux l'accomplissement de ce qu'elle a prédit de l'avenir. Le même Pline dit toutefois qu'il existe encore une nation où l'on vit 200 ans. Note. Pline parle en effet de cette nation, qui est celle des Épéens dans l'Italie, mais il n'en parle pas en témoin oculaire, il rapporte un fait qu'il a lu dans un vieil historien, nommé Hellanicus. Fin de la note. Si donc quelques pays qui nous sont inconnus conservent encore des restes de cette longue vie dont nous n'avons pas d'expérience, pourquoi ne croirions-nous pas aussi qu'il y a eu des temps où l'on vivait autant que l'Écriture le témoigne? S'il est croyable que ce qui n'est point ici soit ailleurs, pourquoi serait-il incroyable que ce qui n'est pas maintenant ait été autrefois? Chapitre 10. De la diversité qui se rencontre entre les livres hébreux et les Septante quant au nombre des années des premiers hommes. Ainsi, bien qu'il semble qu'il y ait quelque diversité, quant au nombre des années, entre les livres hébreux et les nôtres, sans que je sache d'où elle provient, elle n'est pas telle néanmoins qu'il ne s'accorde touchant la longue vie des hommes de ce temps-là. Nos livres portent qu'Adam engendra Seth à l'âge de 230 ans, et ceux des Hébreux à l'âge de 130. Genèse 5, 3. Mais aussi, selon les leurs, il vécut 800 ans depuis, au lieu que, selon les nôtres, il n'en vécut que 700. Genèse 5, 4. Et ainsi ils conviennent dans la somme totale. Il en est de même des autres générations, les 100 années que les Hébreux comptent de moins que nous avant, qu'un père ait engendré un tel qu'ils nomment. Ils les reprennent ensuite, en sorte que cela revient au même. Dans la sixième génération, il n'y a aucune diversité. Pour la septième, il y a la même que dans les cinq premières, et elle s'accorde aussi de même. La huitième n'est pas plus difficile à accorder. Il est vrai que, suivant les Hébreux, Enoch, lorsqu'il engendra Mathusalem, avait 20 ans de plus que nous ne lui en donnons. Mais aussi lui en donne-t-il 20 de moins lorsqu'il l'eut engendré. Genèse 5, 25 à 27. Ce n'est que dans la neuvième génération, c'est-à-dire dans les années de Lamech, fils de Mathusalem et père de Noé, qu'il se rencontre quelques différences dans la somme totale. Encore n'est-elle pas considérable, puisqu'elle se borne à 24 années d'existence que les Hébreux donnent de plus que nous à Lamech, qu'il lui attribue 6 ans de moins que nous avant qu'il engendra Noé, et 30 de plus que nous après qu'il l'eut engendré. Genèse 5, 28 à 31. De sorte que, rabattant ses 6 ans, reste 24. Note. Par nos livres, saint Augustin entend ceux dont l'Église de son temps faisait usage, c'est-à-dire une version du grec des 70, antérieure à la Vulgate ou version de saint Jérôme. Il entend par livres hébreux une autre version latine de l'Écriture, faite sur l'hébreu même. Chapitre 11. Il faut, d'après l'âge de Mathusalem, qu'il ait encore vécu 14 ans après le déluge. Cette diversité entre les livres hébreux et les nôtres a fait mettre en question si Mathusalem a vécu 14 ans après le déluge. Comparez saint Jérôme, questions hébraïques sur la Genèse. Tandis que l'Écriture ne parle que de 8 personnes qui furent sauvées par le moyen de l'arche, 1 Pierre 3, 20, entre lesquelles elle ne compte point Mathusalem. Selon les 70, Mathusalem avait 67 ans lorsqu'il engendra Lamech, et Lamech 188 ans avant d'engendrer Noé, ce qui fait ensemble 355 ans. Ajoutez-y les 600 ans de Noé avant le déluge, Genèse 7, 6. Cela fait 955 ans depuis la naissance de Mathusalem jusqu'au déluge. Or, Mathusalem vécut en tout 969 ans, 167 avant que d'engendrer Lamech, et 802 ans depuis, Genèse 5, 25, 27. Par conséquent, il vécut 14 ans après le déluge, qui n'arriva que la 955e année de la vie de Mathusalem. De là vient que quelques-uns lui aiment mieux dire qu'il vécut quelque temps avec son père Enoch, que Dieu avait ravi hors du monde, que de demeurer d'accord qu'il y ait faute dans la version des 70, à qui l'Église donne tant d'autorité. Et en conséquence ils prétendent que l'erreur est plutôt du côté des exemplaires hébreux. Ils allèguent, à l'appui de leurs sentiments, qu'il n'est pas croyable que les 70, qui se sont rencontrés mot pour mot dans leur version, aient pu se tromper ou voulu mentir sur un point qui n'était pour eux d'aucun intérêt, et qu'il est bien plus probable que les Juifs, Jaloux de ce que la loi et les prophètes sont venus à nous par le moyen de cette version, ont altéré leurs exemplaires afin de diminuer l'autorité des nôtres. Chacun peut croire là-dessus ce qui lui plaira. Toujours est-il certain que Mathusalem ne vécut point après le déluge, mais qu'il mourut la même année, si la chronologie des Hébreux est véritable. Pour les septante, j'en dirai ce que j'en pense, lorsque je parlerai du temps auquel ils ont écrit. Voyez livre 18 page 351, chapitre 42 à 44. Il suffit, en ce qui touche la difficulté présente, que, selon les uns et les autres, les hommes d'alors aient vécu assez longtemps pour qu'il en soit né durant la vie de Caïn un nombre capable de constituer une ville. Chapitre 12. De l'opinion de ceux qui croient que les années des anciens n'étaient pas aussi longues que les nôtres. Il ne faut point écouter ceux qui prétendent que l'on comptait alors les années autrement qu'à 7 heures, et qu'elles étaient si courtes qu'il en fallait 10 pour en faire une des nôtres. C'est pour cette raison, disent-ils, que, quand l'Écriture dit de quelqu'un qu'il vécut 900 ans, on doit entendre 90 ans, car 10 de leurs années en font une des nôtres, et 10 des nôtres en font 100 des leurs. Ainsi, à leur compte, Adam n'avait que 23 ans quand il engendra Seth, et Seth 20 ans et 6 mois quand il engendra Enos. Selon cette opinion, les anciens divisaient une de nos années en 10 parties, chacune valant pour eux une année étant composée d'un senaire carré, parce que Dieu acheva ses ouvrages en 6 jours et se reposa le 7e. Or, le senaire carré, ou 6 fois 6, est de 36, qui, multiplié par 10, font 360 jours, c'est-à-dire 12 mois lunaires. Quant aux 5 jours qui restaient pour accomplir l'année solaire, et aux 6 heures qui sont cause que tous les 4 ans nous avons une année bissextile, les anciens suppléaient de temps en temps quelques jours afin de compléter le nombre des années, et les Romains appelaient ces jours intercalaires. De même Enos, fils de Seth, n'avait que 19 ans quand il engendra Caïnan. Genèse 5, 9. Ce qui revient aux 90 ans que lui donne l'Écriture. Aussi, poursuivent-ils, nous ne voyons point, selon les septante, qu'aucun homme ait engendré avant le déluge qu'il n'eût au moins 160 ans, c'est-à-dire 16 ans, en comptant 10 années pour une, parce que c'est l'âge destiné par la nature pour avoir des enfants. À l'appui de leur opinion, ils ajoutent que la plupart des historiens rapportent que l'année des Égyptiens était de 4 mois, celle des Acarnaniens de 5, et celle des Laviniens de 13. Pline le naturaliste, à propos de quelques personnes que certaines histoires témoignent avoir vécu jusqu'à 800 ans, pense que cette assertion tient à l'ignorance de ces temps-là. Attendu, dit-il, que certains peuples ne faisaient leur année que d'un été et d'un hiver, et que les autres comptaient les 4 saisons de l'année pour 4 ans, comme les Arcadiens dont les années n'étaient que de 3 mois. Il ajoute même que les Égyptiens, dont nous avons dit que les années n'étaient composées que de 4 mois, les réglaient quelquefois sur le cours de la lune, tellement que chez eux on vivait jusqu'à 1000 ans. Telles sont les raisons sur lesquelles se font des critiques dont le dessein n'est pas d'ébranler l'autorité de l'Écriture, mais plutôt de la fermer en empêchant que ce qu'elle rapporte de la longue vie des premiers hommes ne paraisse incroyable. Il est aisé de montrer évidemment que tout cela est très faux, mais, avant que de le faire, je suis bien aise de me servir d'une autre preuve pour réfuter cette opinion. Selon les Hébreux, Adam n'avait que 130 ans lorsqu'il engendra son 3e fils, Genèse 5, 3. Or, Si ces 130 ans ne reviennent qu'à 13 des nôtres, il est certain qu'il n'en avait que 11 ou peu davantage quand il eut le premier. Or, qui peut engendrer à cet âge-là selon la loi ordinaire de la nature? Mais, sans parler de lui, qui peut-être fut capable d'engendrer dès qu'il fut créé, car il n'est pas croyable qu'il ait été créé aussi petit que nos enfants lorsqu'ils viennent au monde, son fils, d'après les mêmes Hébreux, n'avait que 105 ans quand il engendra Enos, Genèse 5, 6, et par conséquent il n'avait pas encore 11 ans, selon nos adversaires. Que dirais-je de son fils Caïnan qui, suivant le texte hébreu, n'avait que 70 quand il engendra Malaléel, Genèse 5, 12. Comment engendrer à 7 ans, si 70 ans d'alors n'en font réellement que 7 de nos jours? Chapitre 13. Si, dans la supputation des années, il faut plutôt s'arrêter aux textes hébreux qu'à la traduction des 70. Je prévois bien ce que l'on me répliquera, que c'est une imposture des Juifs qui ont falsifié leurs exemplaires, comme nous l'avons dit plus haut, et qu'il n'est pas présumable que les 70, ces hommes d'une renommée si légitime, aient pu en imposer. Cependant, si je demande lequel des deux est le plus croyable, ou que les Juifs, qui sont répandus en tant d'endroits différents, et conspirer ensemble pour écrire cette fausseté, et qu'ils se soient privés eux-mêmes de la vérité pour ôter l'autorité aux autres, ou que les 70, qui étaient aussi juifs, assemblés en un même lieu par Ptolémée, roi d'Égypte, pour traduire l'écriture, et envier la vérité aux gentils et concerter ensemble cette imposture, qui ne devine la réponse que l'on fera à ma question? Mais à Dieu ne plaise qu'un homme sage s'imagine que les Juifs, quelque méchants et artificieux qu'on les suppose, aient pu glisser cette fausseté dans un si grand nombre d'exemplaires dispersés en tant de lieux, ou que les 70, qui ont acquis une si haute réputation, se soient accordés entre eux pour ravir la vérité aux gentils. Il est donc plus simple de dire que, quand on commença à transcrire ces livres de la bibliothèque de Ptolémée, cette erreur se glissa d'abord dans un exemplaire par la faute du copiste et passa de la sorte dans tous les autres. Cette réponse est assez plausible pour ce qui regarde la vie de Mathusalem et pour les 24 années qui se rencontrent de plus dans les exemplaires hébreux. À l'égard des 100 années qui sont d'abord en plus dans les 70, et ensuite en moins pour faire cadrer la somme totale avec le nombre des années du texte hébreu, et cela dans les 5 premières générations et dans la 7e, c'est une erreur trop uniforme pour l'imputer au hasard. Il est plus présumable que celui qui a opéré ce changement, voulant persuader que les premiers hommes n'avaient vécu tant d'années que parce qu'elles étaient extrêmement courtes et qu'il en fallait 10 pour en faire une des nôtres, a ajouté 100 ans d'abord aux 5 premières générations et à la 7e, parce que suivant l'hébreu, les hommes eussent encore été trop jeunes pour avoir des enfants, et les a retranchés ensuite pour retrouver le compte juste des années. Ce qui porte encore plus à croire qu'il en a usé de la sorte dans ses générations, c'est qu'il n'a pas fait la même chose dans la 6e, parce qu'il n'en était pas besoin, et que Jared, selon les textes hébreux, avait 162 ans, Genèse 5, 18, lorsqu'il engendra Enoch, c'est-à-dire 16 ans et près de 2 mois, âge auquel on peut avoir des enfants. Mais, d'un autre côté, on pourrait demander pourquoi, dans la 8e génération, tandis que l'Hébreu donne 182 ans à Mathusalem avant qu'il engendra Lamech, la version des 70 lui en retranche 20, au lieu qu'ordinairement elle en donne 100 de plus que l'Hébreu au patriarche, avant que de les faire engendrer. On pourrait penser peut-être que cela est arrivé par hasard, si, après avoir ôté 20 années à Mathusalem, il ne les lui redonnait ensuite, afin de trouver le compte des années de sa vie. Ne serait-ce point une manière adroite de couvrir les additions précédentes de 100 années, par le retranchement d'un petit nombre d'autres qui n'étaient pas d'importance, puisque, malgré cela, Mathusalem aurait toujours eu 162 ans, c'est-à-dire plus de 16 ans, avant que d'engendrer Lamech. Quoi qu'il en soit, je ne doute point que, lorsque les exemplaires grecs ou hébreux ne s'accordent pas, il ne faille plutôt suivre l'hébreu, comme l'original, que les 70, qui ne sont qu'une version, attendu surtout que quelques exemplaires grecs, un latin et un syriaque s'accordent en ce point, que Mathusalem mourut 6 ans avant le déluge. Chapitre 14. Les années étaient autrefois aussi longues qu'à présent. Je vais maintenant prouver jusqu'à l'évidence que durant le premier âge du monde les années n'étaient pas tellement courtes qu'il en fallut 10 pour en faire une des nôtres, mais qu'elles égalaient en durée celle d'aujourd'hui que règle le cours du soleil. Voici en effet ce que porte l'Écriture. Le déluge arriva sur la terre l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, le 27 jour du mois, Genèse 7, 10, 11. Comment s'exprimerait-elle de la sorte si les années des anciens n'avaient que 36 jours? Dans ce cas, où ces années n'auraient point eu de mois, où les mois n'auraient été que de 3 jours, pour qu'il s'en trouve à 12 dans l'année. N'est-il pas visible que leur mois a été comme les nôtres, puisque, autrement, l'Écriture sainte ne dirait pas que le déluge arriva le 27e jour du second mois? Elle dit encore un peu après, à la fin du déluge, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara le 7e mois, le 27e jour du mois. Cependant les eaux diminuaient jusqu'à 11e mois. Or, le premier jour de ce mois, on vit paraître les sommets des montagnes. Genèse 8, 4, 5. Que si leur mois était semblable au nôtre, il faut étendre cette similitude à leurs années. Ces mois de 3 jours n'en pouvaient pas avoir 27, ou si la 30e partie de ces 3 jours s'appelait alors un jour, un si effroyable déluge qui, selon l'Écriture, tomba durant 40 jours et 40 nuits, ce serait donc fait en moins de 4 de nos jours. Qui pourrait souffrir une si palpable absurdité? Loin, bien loin de nous cette erreur qui ruine la foi des Écritures sacrées, en voulant l'établir sur de fausses conjectures. Il est certain que le jour était aussi long alors qu'à présent, c'est-à-dire de 24 heures, les mois égaux aux nôtres et réglés sur le cours de la lune, et les années composées de 12 mois lunaires, en y ajoutant 5 jours et un quart, pour les ajuster aux années solaires, et par conséquent ces premiers hommes vécurent plus de 900 années, lesquelles étaient aussi longues que les 175 que vécut ensuite Abraham, Genèse 25, 7, que les 180 que vécut Isaac, Genèse 35, 28, que les 140 ou environ que vécut Jacob, Genèse 47, 28, que les 120 que vécut Moïse, Deutéronome 34, 7, et que les 70 ou 80 que les hommes vivent aujourd'hui et dont il est dit, si les plus robustes ont jusqu'à 80 ans, ils en ont d'autant plus de mal. Psaume 89, 10. Quant à la différence qui se rencontre entre les exemplaires hébreux et les nôtres, elle ne concerne point du tout la longueur de la vie des premiers hommes, sur quoi les uns et les autres conviennent. Ajoutez à cela que, lorsqu'il y a diversité, il faut plutôt s'en tenir à la langue originale qu'à une version. Cependant, Ce n'est pas sans raison que personne n'a encore osé corriger les Septante sur l'hébreu, en plusieurs endroits où ils semblaient différents. Cela prouve qu'on n'a pas cru que ce défaut de concordance fût une faute, et je ne le crois pas non plus, mais, à la réserve des erreurs de copiste, lorsque le sens est conforme à la vérité, on doit croire que les Septante ont changé le sens du texte, non en qualité d'interprète qui se trompe, mais comme des prophètes inspirés par l'Esprit de Dieu. De là vient que, lorsque les apôtres allaient quelques témoignages de l'Ancien Testament dans leurs écrits, ils ne se servent pas seulement de l'hébreu, mais de la version des Septante. Comme j'ai promis de traiter plus amplement cette matière au lieu convenable, où je pourrais le faire plus commodément, je reviens à mon sujet, et dis qu'il ne faut point douter que le premier des enfants du premier homme n'ait pu bâtir une cité à une époque où la vie des hommes était si longue. Cité, au reste, bien différente de celle que nous appelons la cité de Dieu, pour laquelle nous avons entrepris ce grand ouvrage. Chapitre 15. S'il est présumable que les hommes du premier âge aient persévéré dans l'abstinence, jusqu'à l'époque où l'on rapporte qu'ils ont eu des enfants. Est-il croyable, dira-t-on, qu'un homme, qui n'avait pas dessein de garder le célibat, se soit contenu 100 ans et plus, ou, selon l'hébreu, 80, 70 ou 60 ans, et qu'il n'ait point eu d'enfants auparavant? Il y a deux réponses à cela. Ou l'âge d'avoir des enfants venait plus tard en ce temps-là, à proportion des années de la vie. Ou, ce qui me paraît plus vraisemblable, l'Écriture n'a pas fait mention des aînés, mais seulement de ceux dont il fallait parler selon l'ordre des générations, pour parvenir à Noé et ensuite à Abraham, et pour marquer le progrès de la glorieuse cité de Dieu, étrangère ici-bas et qui soupire après la céleste patrie. En effet, on ne saurait nier que Caïn ne soit le premier fils d'Adam, puisqu'Adam n'aurait pas dit, comme le lui fait dire l'Écriture, « J'ai acquis un homme par la grâce de Dieu », si cet homme n'avait été ajouté en naissant à nos deux premiers parents. Abel vint après, qui fut tué par son frère Caïn, en quoi il fut la première figure de la cité de Dieu, exilé en ce monde et destiné à être en butte aux injustes persécutions des méchants, c'est-à-dire des hommes du siècle attachés aux biens passagers de la cité de la terre. Mais on ne voit pas à quel âge Adam les engendra l'un et l'autre. Ensuite sont rapportées les deux branches d'hommes, l'une sortie de Caïn, et l'autre de Seth, que Dieu donna à Adam à la place d'Abel. Ainsi ces deux ordres de génération, l'une de Seth et l'autre de Caïn, marquant distinctement les deux cités dont nous parlons, l'Écriture sainte ne dit point quel âge avaient ceux de la race de Caïn quand ils eurent des enfants, parce que l'Esprit de Dieu n'a jugé digne de cet honneur que ceux qui représentaient la cité du ciel. La Genèse, à la vérité, marque à quel âge Adam engendra Seth, mais il en avait engendré d'autres auparavant, savoir, Caïn et Abel. Qui sait même s'il n'avait engendré que ceux-là? De ce qu'ils sont nommés seuls à cause des généalogies qu'il fallait établir, ce n'est pas à dire qu'Adam n'en ait point eu d'autres. Aussi bien, lorsque l'Écriture sainte dit en général qu'il engendra des fils et des filles qu'elle ne nomme pas, qui oserait sans témérité en déterminer le nombre? Ce qu'Adam dit après la naissance de Seth, « Dieu m'a donné un autre fils au lieu d'Abel », il a pu fort bien le dire par une inspiration divine, en tant que Seth devait imiter la vertu d'Abel, et non en tant qu'il fut né immédiatement après lui. De même, quand il est écrit, Seth avait 205 ans, ou, selon l'hébreu, 105, lorsqu'il engendra Enos, qui serait assez hardi pour assurer qu'Einos fût son premier-né? Outre qu'il n'y ait point d'apparence qu'il se soit contenu pendant tant d'années, n'ayant point dessein de garder la continence. L'Écriture dit aussi de lui, et il engendra des fils et des filles, et Seth vécut en tout 912 ans. Genèse 5, 4, 8. L'Écriture, qui ne se proposait, comme je l'ai déjà dit, que de descendre jusqu'à Noé par une suite de générations, n'a pas marqué celles qui étaient les premières, mais celles où cette suite était gardée. J'appuierai ces considérations d'un exemple clair et indubitable. Saint Matthieu, faisant la généalogie temporelle de notre Seigneur, et commençant par Abraham pour venir d'abord à David, « Abraham, dit-il, engendra Isaac. Que ne dit-il Ismaël, qui fut le fils aîné d'Abraham ? Isaac, ajoute-t-il, engendra Jacob. Pourquoi ne dit-il pas Ésaü, qui fut son aîné ? C'est sans doute qu'il ne pouvait pas arriver par eux à David. Poursuivons, Jacob engendra Judas et ses frères. Est-ce que Judas fut l'aîné des enfants de Jacob ? Judas, dit-il encore, engendra Phares et Zaram. Matthieu 1, 2, 3. Et cependant il avait déjà eu trois enfants avant cela. Voilà l'unique et irrécusable solution qu'il faut apporter à ces difficultés de la Genèse, sans aller s'embarrasser dans cette question obscure et superflue, si les hommes avaient en ce temps-là des enfants plus tard qu'aujourd'hui. Mark M. Dan, archive.org, 2019, d'après abbaye saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial partage à l'identique.